Hallelujah. Hallelujah. The Lord is currently engaging the church into a very serious conversation. Le Seigneur, en ce moment, engage l'Église dans une conversation très sérieuse. And the Lord is speaking to the church on the matters of purity. Et le Seigneur parle à l'Église sur la question de la pureté. Purification, the return to purity. La purification, retourner à la pureté. And in the process, he is highlighting the sin of the church. Et dans le processus, il souligne le péché de l'Église. The fall in the church. La chute dans l'Église. Apostasy in the church. L'apostasie dans l'Église. That's what he is highlighting now. Voilà ce qu'il souligne maintenant. And there is a purpose for that. Et il y a un but pour cela. That he may ignite forth a repentance revival. Qu'il puisse enflammer un réveil de repentance. That there may be a deliberate effort inside the house of the Lord. Pour qu'il puisse y avoir un effort délibéré dans la maison du Seigneur. To turn away from sin, an effort. Pour se détourner du péché, un effort. To do so. Pour le faire. And again. Et encore. This is the same chronology that every nation has followed. Those who have joined this movement. C'est la même chronologie que chaque nation a suivie. Ceux qui ont joint ce mouvement. That now deliberately. Que maintenant, délibérément. You choose and say, ah. Vous choisissez et dites, ah, for us in this church, pour nous, dans cette église, we shall now from today on have zero tolerance to sin. Nous devons maintenant, dès aujourd'hui, avoir zéro tolérance au péché. And then that creates an awakening about sin. Et ça crée un réveil à propos du péché. And sensitizes. Et une sensibilité. Where it was numb, où c'était engourdi. So now you can see, wow, that is sin. Alors maintenant, vous pouvez voir, oh, c'est du péché. And the more you point out sin, et plus vous pointez le péché, this anointing for this hour is for pointing out sin, cette onction à cette heure est pour pointer le péché. The more you point out sin, plus vous pointez le péché, the more the sheep, people become sensitized to sin. Plus les brebis, les gens deviennent sensibles au péché. Alléluia. Alléluia. The conversation that the Lord is engaging the church on. La conversation dans laquelle le Seigneur engage l'Église. He is talking about. Il parle. The most important day in the history of the church. Du jour le plus important dans l'histoire de l'Église. He's talking about a day. Il parle du jour. If you hear the way he celebrates it there. Si vous entendez la manière dont il le célèbre. He celebrates it. Like there has never been such a celebration in heaven before. Il le célèbre comme s'il n'y avait jamais eu une telle célébration dans les cieux auparavant. So now. Donc maintenant. What I'm saying is this. Ce que je dis, c'est ça. If you look at the manner with which he's describing, actually the Holy Spirit is celebrating that day. Si vous voyez la manière qu'il le décrit, en fait, le Saint-Esprit célèbre ce jour. Then you quickly realize, wow. Alors. Vous réalisez vite, wow. This must be a day of gravity to the Father. Ça doit être un jour important pour le Père. But even you see in the manner of exposition, the display of the wedding rings. Que même vous voyez dans la manière de les exposer, l'affichage des bagues de mariage. You can see that there was that message there. Vous pouvez voir qu'il y avait ce message là. But look. Que voyez. This is what I have achieved until now. Look. C'est ce que j'ai achevé jusqu'à maintenant. Voyez. The heart of the Father. Le cœur du Père. Expressed to me a sense of accomplishment. Exprime pour moi un sens d'accomplissement. Look, I've been working. Now look what I've achieved. Look. Vois, j'ai travaillé. Vois ce que j'ai fait. Vois. Now I'm prepared this much. Maintenant je les prépare autant. And that's why I'm saying. Et c'est pourquoi je dis. Out of that historicness of the day. De ce jour historique, then we can pick a message as a church. Alors, nous pouvons prendre un message comme Église. We can also understand that, wow. Nous pouvons aussi comprendre que, wow. To us also, that is supposed to be a most historic day. Pour nous aussi, c'est supposé être un jour des plus historiques. And if you look at it very carefully, you'll find. Et si vous regardez ça attentivement, vous trouverez that the reason for which the Messiah came to the cross que la raison pour laquelle le Messie est venu à la croix is that one day et qu'un jour we may live to partake of that day. Nous puissions vivre pour participer à ce jour, that entry. À cette entrée. If you follow this very carefully, si vous suivez cela très attentivement, you see, vous verrez the reason for which the Holy Spirit was ever released to the church. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a jamais été libéré pour l'Église was that the Holy Spirit may help the church. Était pour que le Saint-Esprit puisse aider l'Église that one day she may enter the glorious kingdom of God. Pour qu'un jour elle puisse entrer dans le glorieux royaume de Dieu. Meaning, she may be able signifiant, elle peut être en mesure to see this day in the kingdom of God. De voir ce jour dans le royaume de Dieu. If you follow this carefully, si vous suivez cela attentivement and you ask the reason for which the Bible was written, et vous demandez la raison pour laquelle la Bible a été écrite, you'll find that this Bible is actually one big invitation letter. Vous trouverez que cette Bible est en fait une grande lettre d'invitation. It's one big invitation letter to the church, inviting the church. C'est une grande lettre d'invitation à l'Église, invitant l'Église to this day. À ce jour. Why? Pourquoi? Why like thunder, loud peals of thunder? Pourquoi comme le tonnerre, un grondement violent du tonnerre? The roar of rushing waters shouting hallelujah. Le bruit de grandes eaux criant hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Verse 6. Car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Verset 6. We are still on Revelation 19. That's now our reference scripture. Nous sommes encore dans Apocalypse 19. C'est maintenant notre texte de référence. Now, maintenant, you also see vous voyez aussi that celebration, hallelujah, que cette célébration, alléluia, for our Lord God Almighty reigns, car notre Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. It's as though they are saying, c'est comme s'il disait that is the day, que c'est le jour that affirms, qui affirme, meaning rubber stamps, qui assure that surely, que sûrement the Lord God Almighty, he reigns. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il règne. Why? Why would I say so? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dirais cela? Because parce que Christ Jesus, the Messiah, Jésus-Christ, le Messie, the King of Glory, le Roi de Gloire, the Son of the Living God, le Fils du Dieu vivant, one day, un jour, he left heaven, il a quitté les cieux and came. Et il est venu. He was missing from heaven, missing. On s'ennuyait de lui aux cieux. On s'ennuyait de lui. That seat was empty. Ce siège était vide. For a long time. Pendant longtemps. While he is down here. Pendant qu'il était là, en bas. To redeem man. Pour racheter l'homme. Redeem the church. Racheter l'église. And while he was here, he was tortured. Et pendant qu'il était ici, il a été torturé. Abused. Abusé. Blackmailed. Méprisé. Ridiculed. Ridiculisé. Mocked. On s'est moqué. Slandered. Everything was done unto him. Calomnié. Toutes choses ont été faites sur lui. I'm talking about the King of Glory. Je parle du Roi de Gloire. Those things I've described. Ces choses que j'ai décrites. If they happen to you. Si elles vous arrivent. You will say, ah. Vous direz, ah. I will never forget that day when I was abused. Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai été abusé. But now, I'm not talking about you. I'm talking about the King of Glory. Mais maintenant, je ne parle pas de vous. Je parle du Roi de Gloire. The King. Le Roi. Who came to redeem us. Qui est venu pour nous racheter. And now, et maintenant, that is what happened to him. C'est ce qui lui arrive à lui. And at that time, when that was happening to him, et en ce temps, quand ça lui est arrivé, God the Father was not blind. Dieu le Père n'était pas aveugle. He saw everything. Il a vu toutes choses happen to him. Qui lui sont arrivées. And so, et donc, you see, even at the crucifixion, vous voyez que même à la crucifixion, he said, "Let me shut heaven." Il a dit, laissez-moi fermer les cieux that I may not see that. Pour que je ne puisse pas voir ça. Otherwise, I smite the earth. Autrement, je détruis la terre. and said, "Forget it." Et dit, oublie ça. And for the first time, he cried, he said, "Father, please don't abandon me." Et pour la première fois, il a crié, disant, Père, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. That is the horrendous price. C'est le prix horrible. That the King of Glory paid. For redemption. Que le roi de gloire a payé pour la rédemption. Look at this now. Voyez ça maintenant. Ever since he did the beautiful work. Depuis qu'il a fait le merveilleux travail. In that abuse. Dans cet abus. To deliver the church. Pour délivrer l'église. And went into heaven. Et est allé aux cieux. And sat on the right hand side of the Father. Et s'est assis à la droite du Père. Heaven has been saying this. Les cieux ont dit cela. The scars, les meurtrissures of the abuse we can see. Des abus, nous pouvons les voir. The scars, les meurtrissures, we can see. Nous pouvons les voir. The wounds, we can see. Les blessures, nous pouvons les voir. The torture, we saw. La torture, nous l'avons vue. Blackmail, we saw. Les moqueries, nous les avons vues. But tell me one thing. Mais dites-moi une chose. Where is the church for which he paid such a price? Où est l'église pour laquelle il a payé un tel prix? He's asking, where is the church? Il demande, où est l'église? That was purchased. Qui a été rachetée? At such a horrendous price. À un prix tellement horrible. Why? Pourquoi? Because when he looks at the church. Parce que lorsqu'il voit l'église. He sees false prophets. Il voit des faux prophètes. Merchandising in the church. Qui marchande dans l'église. He sees immorality in worship team. Il voit l'immoralité dans l'équipe d'adoration. Some pastors change wives, what I know the whole story. Des pasteurs changent de femme, je sais toute l'histoire. He hears about scandals in the church. Il entend parler de scandales dans l'église. Pastors doing what? Des pasteurs qui font quoi? Fighting each other also. Ils se disputent aussi. In the public place. Sur la place publique. Women dressing like what? Muslims dressing better than church. Des femmes qui s'habillent comment? Les musulmans s'habillent mieux que l'église. Holier than church. Plus saintement que l'église. He sees that. Il voit cela. Then the question he asks is this. Ensuite, la question qu'il demande est ceci. The wounds we can see. Les blessures, nous pouvons les voir. The scars we can see. Les meurtrissures, nous pouvons les voir. But where is the church? Mais où est l'église? So, in other words, donc, en d'autres termes, heaven has been waiting for a long time. Les cieux ont attendu pendant longtemps to see the fruit of the cross. Pour voir le fruit de la croix. And that's why when that day arrives, et c'est pourquoi, lorsque ce jour arrive, then you see that historic celebration. Alors vous verrez cette célébration historique. Alléluia. Alléluia. And so that's why he's calling you. Et donc, c'est pourquoi il vous appelle. He's summoning you to this historic celebration. Il vous invite à cette célébration historique. That you too may be able to put in all effort. Pour que vous aussi vous puissiez être en mesure de mettre tous vos efforts, all time, tout votre temps, all resources, toutes vos ressources, your life that is investing, votre vie qui est investie, to prepare, à se préparer. Alléluia. Alléluia. And we saw that he is longing for purity. Et nous avons vu qu'il désire la pureté. The first pure church. La première église pure. The church that's not adulterated. With modern, post-modern theology. L'église qui n'a pas commis adultère avec la théologie moderne et post-moderne. And philosophy, and psychology. Et la philosophie et la psychologie. And theories of life. Et les théories de la vie. The church that is not into the models of money. L'église qui n'est pas sur le modèle de l'argent. Do what financial what? Qui fait quoi des finances quoi? The church that simply preaches the blood and the cross of Jesus. L'église qui prêche simplement le sang et la croix de Jésus. He said, that is the power of salvation. Il dit, ça, c'est le pouvoir du salut. The cross and the blood. La croix et le sang. So now, ainsi maintenant, I want us to advance this conversation. Je désire que nous avancions dans cette conversation. Because if you look at the historic celebration. Parce que si vous voyez la célébration historique. Now I've summarized what we saw. Maintenant je résume ce que nous avons vu. If you look at the historic nature of this celebration. Si vous voyez la nature historique de cette célébration. That the Lord has for that day. Que le Seigneur a pour ce jour. The day that those rings are announcing to the nations. Le jour que ces bagues annoncent aux nations. This is what you'll see. C'est ce que vous verrez. You will see. Vous verrez. That Hallelujah. There is a big celebration there. Que Alléluia! Il y a une grande célébration là-bas. For the Lord Almighty reigns, because guess what? Car le Seigneur Tout-Puissant règne, parce que, devinez quoi? When the church enters that day, she defeats sin. Quand l'Église entre ce jour, elle fait échouer le péché. Yeah, so you understand why he says, donc, vous comprenez pourquoi il dit, that is an affirmation that surely our God reigns. C'est une affirmation que sûrement notre Dieu règne. Because now if you look at the church, it's as if the enemy is stronger than the Lord. Parce que maintenant, si vous voyez l'Église, c'est comme si l'ennemi était plus fort que le Seigneur. Because they're doing things, they're whatever they're called, even they kill. Parce qu'ils font des choses, quoi que ce soit, même ils tuent. A bishop can kill another bishop. Un évêque peut tuer un autre évêque. So it's so much. It's very much. Donc c'est tellement, c'est vraiment beaucoup. I'm just saying, when you look at the church now, je dis juste que quand vous voyez l'Église maintenant, you almost cry. Vous pleurez presque. You feel like the church is crying for a second deliverance. Vous sentez comme si l'Église criait pour une seconde délivrance. You feel like the church is telling the Lord, vous avez l'impression que l'Église dit au Seigneur, Lord, look. Seigneur, vois. The first Calvary was not enough. Le premier calvaire n'était pas assez. Lord, Seigneur, please, let Jesus go back. S'il te plaît, que Jésus retourne. Because look, I'm born again. I'm in the church. Parce que, regarde, je suis né de nouveau, je suis dans l'Église. But I'm still doing these things. Mais je fais encore ces choses. I'm still lusting at women. Je convoite encore les femmes. I'm still lusting at men, whatever the case. Je continue de convoiter des hommes, quel que soit le cas. I'm still doing whatever. Je fais encore quoi que ce soit. I'm not fully delivered. Je ne suis pas pleinement délivré. So when you look at the condition of the church, donc, quand vous voyez la condition de l'Église, then you will understand why when that day comes, alors vous comprendrez pourquoi, lorsque ce jour vient, there is a historic celebration. Il y a une célébration historique. Because parce que when you look at the historic nature of the celebration, quand vous voyez la nature historique de la célébration, then you see that they are discussing the underlying reason for that celebration. Alors vous voyez qu'ils parlent de la raison importante de cette célébration. Of course, the day has arrived. Bien sûr, le jour est arrivé. That's all right. Ça va. But in again, they talk about the underlying reason why they are celebrating. Mais là encore, ils parlent de la raison soulignée pourquoi ils célèbrent. They go to the detail now. Ils vont dans les détails maintenant. They say, the day that is long awaited has arrived. Ils disent, le jour qui a été tant attendu est arrivé. And when they look at the bride, she is ready. Et quand ils voient l'épouse, elle est prête. He says, that's the reason for celebration. Il dit, c'est la raison pour la célébration. So you see now, donc, vous voyez maintenant, the celebration of the day has arrived is here. La célébration du jour est arrivée, est là. Because it's a long awaited day. Parce qu'il dit, c'est un jour longtemps attendu. It has arrived, so they celebrate. Il est arrivé, alors il célèbre. But, mais, that is not the reason if you follow this. Ça n'est pas la raison si vous suivez cela. You find, vous trouvez, that the reason is the day has arrived. La raison est que le jour est arrivé. And when they look at the bride, the church, she is also ready. Et quand ils voient l'épouse, l'église, elle est aussi prête. Then they celebrate. Alors, ils fêtent. So now I'm working with you. Donc maintenant, je travaille avec vous on the reasons why there is celebration. Sur la raison pourquoi il y a une célébration. And I'm walking with you towards the garment of the Lord. Et je marche avec vous vers le vêtement du Seigneur. So, donc, he's saying, il dit that the day has arrived. Que le jour est arrivé. Good enough, that is worth celebrating. Assez bon, c'est pourquoi il y a une célébration. Because long awaited, long time in coming. Parce que il y a une longue attente, un long temps avant sa venue. However, cependant, he's saying, il dit, it's not just the arrival of the day. Ça n'est pas juste le jour qui arrive. What is the point in the day arriving? Quel est le point dans le jour qui arrive? And the church is not ready. Et l'église n'est pas prête. Then there's nothing to celebrate. Alors, il n'y a rien à célébrer. So he's saying, donc il dit, that when the day arrives, que lorsque le jour arrive, wow, it has arrived. Wow, il est arrivé. Nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. But it has arrived now. Mais il est arrivé maintenant. Check the church. She's ready. Vois l'église. Elle est prête. Then a historic celebration takes place. Alors, une célébration historique a lieu. Meaning, signifiant, the work at Calvary was not in vain. Le travail au calvaire n'était pas en vain. Otherwise, the devil will laugh a second time. Autrement, le diable rira encore une fois. The first time he laughed on the cross. La première fois où il a ri, c'est à la croix. He saw him there. I have the detail because the Lord showed me in a tremendous vision. Il l'a vu là. J'ai les détails parce que le Seigneur me l'a montré dans une vision extraordinaire. How the Messiah was crucified. Comment le Messie a été crucifié. How he went under. Comment il a été en bas. The Lord took me under to see how he went under. Le Seigneur m'a mis en bas pour voir comment il a été en bas. So it's a little bit more than what you read in the Bible. It's very deep. Donc, c'est un petit peu plus que ce que vous lisez dans la Bible. C'est très profond. There's a lot more of what he did there. Il y a beaucoup plus dans ce qu'il a fait là-bas. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. He's saying il dit that the day has arrived, que le jour est arrivé and when we look at the church, the bride, et quand nous voyons l'église, l'épouse, she is also ready. Wow, let us celebrate. Elle est aussi prête. Wow, célébrons. But how does he know that the church is ready? Mais comment sait-il que l'église est prête? He says, il dit, the day has arrived, le jour est arrivé, and finally arrived, et finalement arrivé, and when they look at the bride, she's ready, et quand ils voient l'épouse, elle est prête, but to know that she's ready, mais pour savoir qu'elle est prête, they find that she's now wearing, ils trouvent que maintenant, elle porte the garment of entry. Le vêtement de l'entrée. Alléluia. Alléluia. Because he said, parce qu'il dit, fine linen, du fin lin, bright and clean, was given her to wear. Éclatante et pure lui a été donnée pour se vêtir. He said, when the day arrives, il dit, quand le jour arrive, and then they look at the bride, et alors ils voient l'épouse, and they find that she is wearing, et il trouve qu'elle porte fine linen, bright and clean, du fin lin, éclatant et pur. Celebration historic will take place. Une célébration historique aura lieu. Wow. Wow. That is mighty. C'est puissant. Because he's saying, parce qu'il dit, if you listen to Portuguese, the way they put it, si vous écoutez le portugais, la manière dont ils le mettent, they say, ils disent, lino finissimo. Lino finissimo. Finest linen, finest. Le lin le plus fin, le plus fin. Meaning there's no other. Signifiant qu'il n'y en a pas d'autre. Was given her to wear. Lui a été donné pour se vêtir. Meaning. Signifiant. It's not just the day has arrived. Ça n'est pas seulement le jour qui est arrivé. But it's about the preparedness of the church. Mais c'est sur la préparation de l'église. That's why your presence here is key. C'est pourquoi votre présence ici est clé pour cette nation. Et cette sorte de message, vous ne pouvez pas juste aller et rester avec. You are empowered. This is equipping you, discipling you. Vous êtes fortifié. Ceci vous équipe, vous discipline. You go everywhere telling them, vous allez partout leur disant, the Messiah is coming. Le Messie vient. Prepare. Do this. Préparez-vous. Faites ceci. And he says, et il dit, that when the day arrives, que lorsque le jour arrive, and they check on the bride, et qu'ils voient l'épouse, and find that she's ready, et trouvent qu'elle est prête, the proof of her readiness, la preuve de sa préparation, being the fine linen, étant le fin lin, finest linen, le lin le plus fin, bright and clean, éclatant et pur. Then he says, alors il dit, when that happens, quand cela arrive, celebrate why? Célébrer. Pourquoi? Then he says, alors il dit, fine linen stands for the righteousness of the church. Le fin lin, c'est la justice de l'église. Now I am beginning to get this matter. Maintenant, je commence à y être. Now you understand. Maintenant, vous comprenez. That when I go all over the earth, que lorsque je vais tout autour de la terre, talking about prepare the way. Parlons de préparer le chemin. Prepare the finest linen. Préparer le lin le plus fin. The Messiah is coming. Le Messie vient. I'm essentially announcing to them, je leur annonce essentiellement, that this is the hour for righteousness in the church. Que c'est l'heure de la justice dans l'église. So listen to me now. Donc, écoutez-moi maintenant. Wow, this is powerful. Oh. C'est puissant. So in other words, donc, en d'autres termes, he has sent me, il m'a envoyé to restore righteousness at the pulpit. Pour restaurer la justice à la chair. Righteousness in the house. La justice dans la maison. In other words, en d'autres termes, he has sent me to announce, il m'a envoyé pour annoncer the dispensation of righteousness in the church. La dispensation de la justice dans l'église. Now that is what is lacking most. Maintenant, ceci est ce qui manque le plus. That's why now there is sin in the church. C'est pourquoi maintenant, il y a du péché dans l'église. Because that righteousness is lacking. Parce que cette justice manque. What a beautiful message. Quel beau message. So he's saying, donc il dit that this whole announcement, que toute cette annonce, that the wedding rings he placed there, que les bagues de mariage qu'il a placées là, should announce to the earth, to the nations, devrait annoncer à la terre, aux nations, that look, this spiritual event, they're not physical, they're spiritual rings. Que voyez, cet événement spirituel, elles ne sont pas physiques, ce sont des bagues spirituelles. Look, this event, that announcement says, voilà cet événement, cette annonce, il dit, but for that day, mais pour ce jour, there is responsibility for the church also. Il y a une responsabilité pour l'église aussi. Did you understand me? M'avez-vous compris? Because he's saying, parce qu'il dit that look, que voyez, if the rings are ready, the spiritual rings are ready. Si les bagues spirituelles sont prêtes, how about the spiritual garment then? Qu'en est-il du vêtement spirituel alors? That is now the responsibility of the church. Maintenant, ceci est la responsabilité de l'Église. If you go to Isaiah 53, si vous allez à Ésaïe 53 and Psalm 22, et Psaume 22, you see the price, vous voyez le prix at which the Messiah purchased the garment, auquel le Messie a acheté le vêtement. They abused on the cross. Ils l'ont abusé à la croix. They abused, right? Ils l'ont abusé. He was tortured. Il a été torturé. He was abused. Il a été abusé. Blackmailed, ridiculed. Moqué. Ridiculisé. If the rings are ready, the spiritual rings are ready. Si les bagues sont prêtes, les bagues spirituelles sont prêtes. How about the spiritual garment, then? Qu'en est-il du vêtement spirituel alors? If you know that this message has touched you, si vous savez, ce message vous a touché, and you know that you are not right with the Lord, et que vous savez que vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur, please, s'il vous plaît, repeat this prayer with me. Répétez cette prière avec moi. Say, dear Jesus, dites, cher Jésus, I repent today, je me repens aujourd'hui, and reject sin, et rejette le péché. Lead me into righteousness, conduis-moi dans la justice. I receive you as Lord and Savior. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Please, s'il te plaît, protect me. Protège-moi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.